بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما أخذنا في آخر الأبواب ما جاء في المصورين نعم وما جاء في كثرة كثرة كثرة الحلف حلف نعم في كل حكم تصوير سي كبيرة من كبيرة ما هو التصوير المحرم في كل تصوير كان تعزي دعوة الأرواح أيوة بالذات يوم ده صندوق دم مثلا تصوير un arbre la mer maison tout comme ça ما في شيء في هذا الذي هو المعذور جاء فيه c'est les êtres vivants ayant des âmes. Et dans des livres, il y en a, ils ont traduit Zarra par atome. Moi, j'ai préféré mettre fourmi, comme l'a dit Cheikh Othaymin, car atome, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aux Arabes à l'époque, ils ne connaissaient pas les atomes. Les atomes, c'est des choses qu'on a découvert bien après, tellement c'est petit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur parlait de parler des choses qu'ils comprenaient. Donc il a dit ça, Zarra, à ce moment-là, c'est une fourmi. C'est ce que Charles Ben Bez également a l'air de voir. Un atome, à cette époque, on pourrait traduire Zorra par atome, c'est aussi un grain de maïs. Mais dans le hadith, l'akrab, un namla. Car un namla, c'est plus petit encore qu'un grain de maïs, une fourmi. طيب نواصل قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ce qui est venu au propos de l'engagement envers Allah et de l'engagement envers son prophète صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى أي باب ما جاء في تعظيمهما والتحذير من إخفارهما من إخفارهما والتحذير أيضا من جعلهما من جعلهما للناس لأن هذا وسيلة إلى إخفارهما فالواجب على ولاة الأمور على ولاة الأمور أن لا يجعلوا الناس ذمة الله وذمة نبيه وإنما يجعلون لهم ذمة الرئيس والملك وأصحابه c'est-à-dire le fait de ne pas prendre engagement envers Allah envers son messager par peur de ne pas s'y tenir de ne pas être fidèle à cet engagement. Et qu'il dit même pour les détenteurs du pouvoir qu'ils ne fassent pas que les gens s'engagent envers eux par Allah et par son messager, mais qu'ils le fassent par leur nom. Envers le président, envers le roi ou envers leurs compagnons. Car cela, c'est pourquoi, pour faire un ta'zim du droit d'Allah, de celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fait partie de la perfection du tawhid. Le fait de trahir cet engagement que tu auras pris au nom d'Allah, de son messager, ce sera un axe dans le tawhid. Comme le fait, par exemple, comme on l'avait pris auparavant, jurer par Allah et de ne pas s'y tenir. C'est un grand péché. Déjà, tu as menti. Mais en plus, c'est au nom d'Allah que tu as fait cela. وَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانِ بَعْلَ تَوْكِيدِهَا Donc il dit soyez fidèles aux engagements envers Allah si jamais vous y engagez et n'annulez pas le serment après l'avoir confirmé non. Donc le shir dit فَمَنْ عَهَدَ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّي وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِي الْعَهْدِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يُوَفِّي بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ Allah yukhfira bidhalika. Donc celui qui a pris un engagement, un pacte envers au nom d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il doit s'y tenir. Bien qu'il ait commis une erreur en ayant fait cela, mais il doit quand même s'y tenir. Ça ressemble à quoi ça? Al-Nadr. Al-Nadr, ça ressemble au Nadr. Sauf que le Nadr, akal karahatan min hadha. Ça veut dire vraiment, tu dis, ne le fais pas. Prends pas d'engagement par Allah et par son messager. Amen. c'est pas haram, c'est makruh. Alors que le nadr, c'est également makruh, mais akal. Quand tu dis à quelqu'un, il te demande de faire quelque chose, tu dis je m'engage par Allah de faire telle chose pour toi. Par exemple, c'est pas un nadr que tu as fait. Mais tu as proposé ton aide à quelqu'un au nom d'Allah. Donc après, tu as intérêt à le faire. قال عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا comme le hadith est un peu long, on va le traduire au fur et à mesure. Selon بريدة, que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il envoyait un chef d'une expédition, en tête d'une expédition parmi les troupes, il l'exhortait à la taqwa, la crainte d'Allah, et ainsi que ceux qui étaient avec lui parmi les muslimines. Kana yakul urzu bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billahi wa'zu wala taghullu wala taghdharu. Donc il a dit combattez, allez en conquête au nom d'Allah, combattez ceux qui ont mécru en Allah. D'accord ? Partez en conquête et ne prenez pas de butin avant qu'il ne soit partagé et ne trahissez pas. Wala tumathilu wala taqtulu walida. Wa za laqita aduwak min al-mushrikin fad'uhum ila thalathi khisal aw khalal. Ou khilal. Il a dit ne mutilez pas, c'est-à-dire prendre déjà les prisonniers et les mutiler pour faire peur à tes ennemis. Faut dire si on t'attrape, on va faire ça et ça et ça et ça. Ne tuez pas d'enfants. Et si jamais tu rencontres ton ennemi parmi les mouchidikines, alors appelle-les à trois choses. Et dis, quelle que soit l'une des trois qu'ils auront accepté, à laquelle ils vont consentir, alors accepte deux et laisse-les. Ne leur fais plus rien. Et appeler à l'islam. Fin hum ajabuka faqbal minhum thumma ad'uhum ila tahawul min darihim ila dar muhajirin. Ensuite, si jamais ils te répondent favorablement, alors accepte d'eux. Et ensuite, appelle-les à se déplacer de la terre vers la terre des muhajirin, vers la terre de la hijra. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirin wa 'alayhim ma 'ala al muhajirin fa in abaw أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. Et informe-les que si jamais ils agissent de la sorte, c'est-à-dire qu'ils se déplacent vers la terre des muhajirin, alors qu'ils auront droit à ce qu'ont droit, les muhajirin. Même, ils auront les mêmes droits, les mêmes règles, le même statut. Et si jamais ils refusent de venir dans la terre des muhajirin, alors dis-leur qu'ils seront comme les bédouins parmi les arabes. Yajri alayhim hukmullahi ta'ala wa la yakun lahum min al-ghanimati wal-fay shay'un illa an yujahidu ma'a al-muslimin. Que s'appliquent sur eux les lois d'Allah et qu'ils n'auront pas de part dans le butin, dans le fay. Le fay, c'est une chose que te donne l'ennemi de lui-même pour ne pas que tu le combattes. Donc ils n'auront pas droit à cela tant qu'ils ne combattront pas avec les muslimines. Fa'innuhum abaou fa'saluhum et dizia. Fa'in ajabuka fa'akbil minhum wa kuf'anhum. Fa'in abaou fa'sta'in billahi wa qatilhum. Donc ensuite, si jamais ils s'y refusent également, alors tu leur demandes la jizya, ce qu'on appelle l'impôt légal. Et si jamais ils te répondent favorablement, alors prends deux et laisse-les tranquilles. Ne les touche pas. Si jamais ils se refusent également, alors recherche de l'aide auprès d'Allah et combat-les. Fa'in hasarta ali hisnin fa'araduka an tajhala lahum zimmat Allah wa zimmat nabiyhi fala tajhal lahum zimmat Allah wa zimmat nabiyhi walakin ij'al lahum zimmatak wa zimmat ashabik. Fa'innaka in tughfiru zimmatakum wa zimmat ashabikum ahwan an tughfiru Zimmatullahi wa zimmat nabihi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit par contre, si jamais tu assièges les gens d'une forteresse et qu'ils veulent que tu un pacte avec toi au nom d'Allah et de son messager, alors ne le fais pas. Cependant, fais un pacte avec eux en ton nom à toi et au nom de tes compagnons. Car si jamais vous veniez à ne pas tenir cet engagement, ce pacte, et qu'il soit en votre nom et au nom de vos compagnons, alors cela serait moins grave que de ne pas se tenir au pacte pris au nom d'Allah de son messager. فَإِذَا حَاصَرْتَ أَلِ حِسْنٍ فَأَرَادُكَ أَن تُنَزِّلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنَزِّلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا. رواه مسلم. Et si jamais tu assièges les gens d'une citadelle, d'une forteresse, et qu'ils veulent que tu appliques sur eux le jugement d'Allah, alors n'applique pas sur eux le jugement d'Allah, mais applique sur eux ton jugement à toi, car tu ne sais pas si jamais tu vas coïncider avec le jugement d'Allah ou pas. Rawahu Muslim. Donc là, dans ce hadith qui est clair en lui-même, il t'indique comment te comporter avec les kuffars lorsque le musulman il part en djihad, qu'il doit appeler à Allah, il doit appeler à l'islam en premier lieu. Après, il fait des propositions avant d'arriver au combat. Et même s'il venait à combattre, il y a des choses qu'il ne fait pas, comme mutiler, tuer les enfants, même les femmes, ou même dans d'autres hadiths est venu, les gens apparentés à la religion, comme les moines et les rabbins, s'ils restent dans leur lieu d'adoration. Tu ne les touches pas, tu ne coupes pas les arbres. Et à ce n'est pas, tu viens et tu pilles, et tu casses, tu détruis. Ma wa kada. Aslan. Car le but du djihad, c'est que les gens se mettent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Azahu. Donc là, ça concerne les koufars à la wajid urmum. Et quand il dit les gens des forteresses, c'était plus par rapport aux gens du livre, car c'est eux qui se mettaient dans les forteresses, par rapport aux Arabes. وهنا يفهم قال دي واستعن بالله وقاتلهم. Recherche de l'aide auprès d'Allah et combattez, c'est-à-dire que le combat en premier lieu se base en recherchant l'aide d'Allah et non pas en te basant sur ta force militaire ou ton nombre ou tes armes. C'est sur Allah subhanahu wa ta'ala que tu te reposes. هذا من التوكل. Tu as pris les asbab tamam, mais tu te remets à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour qui tu fais cela? C'est pour lui également. Donc là, après, si jamais les koufars voient qu'ils sont en position défavorable et te demandent un pacte au nom d'Allah et de son messager, tu refuses. Et tu leur fais un pacte en ton nom à toi. Pourquoi? Car si jamais tu ne te tiens pas, comme on l'a expliqué dans le hadith, cela serait moins grave pour toi. Trahir un pacte fait au nom d'Allah et de son messager, ala shayn azim. C'est pour cela que le prophète a voulu quoi? Appeler. Ah, tu te rappelles, on avait pris dans la règle des fiqhiyya que ils étaient zahamal mafasid fatakhuz adna huma. Quand tu as plusieurs choses, par exemple, qui viennent, dans lesquelles un mal apparaîtrait, tu prends celle qui est le moindre mal. Ce qui amènerait à des résultats moins néfastes. Donc là, c'est ça qui se passe. Kadhalik. Que tu n'appliques pas sur le jugement d'Allah, cela ne veut pas dire que tu juges par autre que d'Allah. Mais Cheikh Othmane expliquait que ça c'était à l'époque où le wahi était encore continu. Le wahi, la révélation continuait. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la religion n'était pas encore parachevée. Mais Cheikh Othmane dit que par la suite, par contre, maintenant, on applique le jugement d'Allah car maintenant on le connaît. Mais à l'époque, il ne savait pas forcément tout. Il se peut qu'il fasse une chose sur l'ennemi et qu'il se trompe. Il dit Allah, il veut que je fasse cela. Tu ne sais pas, ça se trouve, c'est pas ça que Allah voulait de toi. Donc il dit, toi fais une chose, un ishtihad venant de toi, et il n'y a plus qu'un jugement venant de toi. Car si jamais tu te trompes, au moins tu n'auras pas parlé au nom d'Allah à ce moment-là. Hada wal maqsoud min hada. Pour ne pas que les gens disent par la suite que tu as menti au nom d'Allah. Tayeb. Nakhouz al-masa'il min hada al-bab. الأولى قال الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. La différence qui est entre l'engagement envers Allah et son messager et celui envers les musulmans. الثانية الإرشاد إلى أقل أمرين خطرا. De diriger les gens vers la chose qui est le moins de danger, le moins de gravité. قوله أعوذ بسم الله في سبيل الله. Combattez au nom d'Allah sur la sortie d'Allah quand tu fais le jihad. الرابعة قوله قاتل من كفر بالله. De combattre ceux qui mécroient en Allah. Ça inclut tous les mouchriquins et l'Ahl al-Kitab. Et ça, bien évidemment, on le répète à chaque fois avec les conditions. C'est pas tu pars demain pour combattre les koufars. Là, il n'y a pas maintenant. Jihad talab, là, actuellement, là, il n'y a pas. Il y a des conditions. الخامسة قوله استعين بالله وقاتلهم. Recherche de l'aide auprès d'Allah et combat-les. Et ça dit ça, الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. La différence qu'il y aura entre un jugement émis par Allah et un jugement émis par les ulama. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي يوافق حكم الله أم لا. Que le fait que le sahabi peut parfois faire un jugement lorsqu'il a un besoin et qu'il ne sait pas si jamais son jugement coïncide à celui d'Allah ou pas. Donc il le dit, ça c'est mon avis. Il précise bien pour ne pas qu'on dise qu'il parle au nom d'Allah alors qu'il ne sait pas. Et la jizya, il y a un khilaf de qui elle est prise. Et l'avis qui apparaît comme étant le plus plausible, c'est qu'elle est prise de tous les koufars, même des mouchriquins. Les jumhur, ils voient que tu ne prends que des al-kitab. Mais dans les faits du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a vu qu'il a pris des majus également. Et ce hadith-là te montre que c'est âm. Donc tu prends la jizya de toutes les personnes que tu combattrais qui auraient mécru en Allah. C'est l'avis qui m'apparaît comme étant le plus fort. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fawzan, il dit cela également. Et tu prends de tout le monde, si je ne me trompe pas. طيب. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله. Ce qui est venu, c'est le fait de jurer sur Allah. Quand on dit jurer sur Allah, c'est que tu jures au nom d'Allah d'une chose que Allah doit faire. Tu te permets de jurer par Allah sur Allah. Tu te permets d'imposer, de dire une chose que Allah doit faire en jurant son nom. Ça, Walen, Charles Famine cite qu'il y a trois wajj. Deux sont permis et un qui est muharram, celui qui est concerné par ce même. Le premier, que tu jures par Allah que Allah va faire telle chose, et c'est une chose que Allah a dit qu'il allait faire. La salaine, que Allah il va mettre les koufars dans le nar. Tu dis, Wallahi, Allah il va mettre les koufars au nar. Voyez. Ou, Wallahi, Allah il va faire que l'islam va avoir la victoire. Donc là, tu as juré au nom d'Allah sur Allah d'une chose que Allah lui-même dit qu'il allait faire. Donc ça, c'est jahiz. Deuxième chose, les husni dhun billah. Pour la bonne pensée que tu as envers Allah d'une chose qui est bonne. Comme l'a fait Khadija, radiallahu anha, lorsque le wahy est descendu sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a eu peur lorsque Jibril est venu le voir pour la première fois. Il a eu peur. Il dit que j'allais mourir. Et elle a dit quoi, Khadija? Wallahi qu'Allah, la yurzik Allah abada. Elle a dit, Wallah, je jure par Allah qu'Allah ne va jamais t'abandonner. Donc elle a juré sur Allah d'une chose qui n'est pas liée au wahi, mais qu'elle sait que Allah ne le fera pas. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'était trop clair. C'est pas possible qu'Allah t'abandonne. Celui-là, c'est le husn adh-dhann, la bonne pensée que tu as envers Allah. Voilà. Quelqu'un demain, il fait une action, il fait la hijra. Et une fois qu'il est en pays d'islam, il lui arrive beaucoup d'épreuves. D'accord. Lui, il a fait toutes les causes possibles pour arriver et les sincères dans sa hijra. Là, on parle de la zahir, quelqu'un de mustaqim qui est mukhlis. Il a plein d'épreuves qui lui arrivent. Il n'a pas d'argent, plein de problèmes. Et il commence à vouloir flancher ou à avoir des idées un peu pessimistes. Quelqu'un lui dit, Wallahi, Allah ne va pas t'abandonner. Je jure qu'Allah ne va pas t'abandonner, mais patiente. Patiente. Car dans son livre, Allah, il a promis que celui qui, sur son sentier, pour voir les abondances que Allah veut apporter à la subsistance. Allah, il a promis dans son livre. Donc il dit, Wallahi, Allah ne t'abandonnera pas. Tant que tu resteras droit et sincère, tu fais un qaïd aussi également. Tu fais une condition, parce que c'est peu qu'il soit mouragé, après il fasse des choses pas bien. Tant que tu resteras droit et sincère, Allah, il ne va pas t'abandonner dans ta richa. Patiente, isbir, tamassak, accroche-toi. Là, tu as le droit de le faire. Maintenant, celui qui est interdit, et celui qui veut le citer maintenant dans le chapitre là. Car ça, tu te permets de parler au nom d'Allah et d'émettre un jugement au nom d'Allah, une chose que lui, tu ne sais pas s'il va le faire ou pas. Donc là, l'auteur cite le hadith. Un Jundub ibn Abdillah radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala rajulun, wallahi, la yakhfilullahu li fulain, faqala Allah azza wa jal, من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبط عملك رواه مسلم. Selon Jundum ibn Abdillah, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un homme a dit, Wallahi, Allah ne pardonnera jamais à un tel. Et Allah, il a dit, qui donc se permet de jurer sur moi, de parler en mon nom, que je ne pardonnerai pas à Fulan. Il dit, certes, je lui ai pardonné et toi, j'ai annulé tes œuvres. Apporté par Muslim. Fahaza wal maqsoud. C'est le fait de jurer au nom d'Allah d'une chose que tu ne connais pas. Et tu te permets de mettre un jugement, de juger quelqu'un dans son intérieur d'une chose que tu ne connais pas. Et c'est venu dans un hadith, dans les Bani Israël. Tu avais un homme qui était un dévot et l'autre qui faisait tout le temps des péchés. Et celui qui était dévot, vous voyez, à chaque fois, l'autre qui faisait des péchés, il le faisait nasiha. Un jour, il a revu encore en train de faire le péché. Il a dit, Wallahi, la yakhfilullaka abada. Il a dit pareil. Allah ne va jamais te pardonner. Ah non, avant ça, l'autre, il a dit quoi? Hel Allah arsalaka alayya raqiba. Il le faisait nasiha. Il a dit, est-ce qu'Allah t'a envoyé sur moi pour me surveiller ou? Et après, il a dit quoi? L'autre, il a dit, Wallah, Allah ne te pardonnera jamais. Et là, le hadith, il est dans le même sens. Allah, il a dit comment? Tu jures en mon nom? Je ne pardonnerai pas un tel, ben sache que j'ai pardonné un tel et que toi, je ne te pardonnerai pas. Et dans le hadith, il y a une riwaya qui dit, comme a dit le mu'allif, dans le hadith Abu Huraira, An al-qa'il rajulun abidun. Qala Abu Huraira, takallama bi kalimatin aw bakat dunyahu wa akhirata. Dans le hadith Abu Huraira, il dit que l'homme qui a parlé, justement, ça ressemble au hadith qu'on a stipulé auparavant, qui est un hadith authentifié par Shammu Akbil, dans son Jami'a Sahih. Qu'il a dit que l'homme qui a dit Wallah et que Allah ne pardonnera pas à un tel, c'est un homme qui était dévot, un abid. Et que par cette parole-là, il a annulé tout ce qu'il avait comme œuvre, en cette dunya et dans l'akhira. En cette dunya, il a tout perdu. Et alors, c'est un homme qui était abid. Donc là, ça revient au hadith d'Ibn Mas'ud. إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة ثم يسبق الكتاب فيعمل حتى يكون بينه وبين الجنة ذراع فيسبق الكتاب ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Dans le hadith que tu vois des gens, ils offrent des œuvres des gens du paradis, مثلا. C'est ce qu'ils arrivent à une coudée du paradis, après leur livre les rattrape, ils offrent des œuvres des gens du feu et ils y entrent. Et les gens, tu ne sais pas c'est quoi leur fin. Toi, tu peux te permettre de mettre un jugement sur quelqu'un par rapport à l'akhira. Tu peux jurer. Toi, tu vois un tel en apparence, il paraît moins bien, et un tel paraît meilleur, tu ne connais pas le contenu des cœurs. Mais nous, en islam, on juge en apparence. Tu as des gens qui te disent, tu ne juges pas les gens, il ne faut pas juger les gens. On dit, nous, on ne juge pas les cœurs. On juge les actes. Si un tel fait un acte qui amène tel jugement, on va appliquer le jugement sur lui. Mais des fois, on a des indices qui montrent, des fois, le contenu de certaines choses par rapport au cœur. On ne sait pas tout. Mais tu as le munafiq. Des fois, tu as des alamas qui te montrent que lui, c'est un munafiq. Ou qui t'amène à penser qu'un tel, c'est un munafiq. Ou qu'un tel, il n'est pas sincère. Ou qu'un tel, tu vois, tu as des indices. Mais non, tu ne peux pas avoir un jazz décisif dans ton cours. Mais tu dis, un tel, la salène, il a des indices dans ses actes qui montrent qu'il n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Pourquoi? Car il fait tel et tel acte. Ce sont les actes des munafiqins. Pourquoi Allah dans le Coran nous donne des indices, les actes des munafiqins? C'est pour qu'on arrive à les repérer. Quand on dit les repérer, on dit, tu fais un hukm direct de toi-même, un tel est munafiq. Bien certains, c'est des munafiqins fi'lan. On a des adilés qui montrent qu'un tel, c'est un munafiq. Si un messie, ça n'en est pas un, on n'a pas de blâme sur nous de l'avoir jugé comme munafiq. Comme par exemple, Al-Qardawi. jugé comme étant munafiq. Il a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on mette le jugement de munafiq sur lui. Maintenant, tu as des gens, tu dis eux, ils ont des amels de nifaq. Car le dire c'est un munafiq, c'est du takfir. Et tu as des gens, tu dis un tel, il a des signes d'ikhlas. Tu dis pas, tu peux pas te permettre de juger, de dire lui c'est un mukhlis à 100%, tu ne sais pas. Tu dis lui un tel, il a des signes d'alama de l'ikhlas. C'est pour cela, par exemple, c'est la mas'ala, tu ne peux pas dire qu'un tel va entrer au feu et un tel va entrer au Jannah parmi les mu'minin. Tu ne peux pas ça. Mais tu peux dire, on espère d'un tel, un ou min al-Jannah ou un tel min al-Nar. Ça, tu peux. Mais le jazz, tu ne peux pas. Ça rentre dans ce bab-là. Tu vas te permettre de parler sur Allah dans une chose que tu ne sais pas. Le contenu intègre des cœurs, tu ne le connais pas. Mais nous, on juge les actes apparents. Quelqu'un qui vole, on va dire c'est un voleur. Quelqu'un qui fornique, on va dire c'est un fornicateur. Quelqu'un qui ment, on va dire c'est un menteur. Quelqu'un qui est, mais c'est le négligent, on dit elle est négligent. L'axis, l'axis. Les gens disent, ne me juge pas. Dis-moi, juge tes actes. Et ça, c'est permis. Et il faut juger les actes. Parce que des fois, tu as des jugements. Dans la charia, le fornicateur, on le lapide. Si jamais c'était quelqu'un qui était marié. Ou on le flagelle. Si jamais c'était quelqu'un qui n'a pas été marié. Ben, tu as des jugements dans cette dunia qui s'appliquent par rapport à tes actes. Comment tu ne me juges pas? Il faut juger. Mais on ne juge pas le contenu des cœurs. Non. On ne dit pas, par exemple, lui, un tel. La falaine, dans son cœur, il y a ça, ça et ça. Non. Mais tu peux dire, il y a des indices qui montrent que ce intègre dans son cœur, il y a du khoubz, il y a du nifaq. Il y a du riya, la falaine. Des indices. Mais le jugement décisif, tu ne peux pas. Donc là, c'est du ta'ali à Allah. Tu te permets de parler au nom d'Allah. Tu dis un tel, Allah ne pardonnera jamais. Qu'est-ce que tu en sais? Demain, il peut faire tawba de tout ce qu'il a fait, sincèrement, Allah lui pardonne. Et toi, demain, il se peut que tu fasses une chose, que Allah fasse que toutes tes œuvres elles soient annulées. Combien de gens on a vu qui étaient sur la droiture, à la fin ils ont viré. Et d'autres qui étaient sur l'égarement et à la fin, alhamdoulilah, ils ont devenu mustaqimine. Non. Donc tu ne jures pas sur Allah subhanahu wa ta'ala, d'une chose que tu ne connais pas. طيب ناخذ المسائل. قال الأولى التحذير من التألي على الله. Mettre en garde le fait de parler au nom d'Allah. De t'avancer au nom d'Allah. Kun an-nar aqrabu ila ahadina min shirak ni'ali. Que le feu est plus proche de nous que le lacet de l'un d'entre nous. Pourquoi? Car pour une parole comme ça, regarde, le simple parole qu'il a eu, il a tout, ses œuvres ont été annulées. Athalitha an al-jannata mithl dhalika. Et que le jannah également est plus proche de toi que le lacet de tes chaussures. Arabiha fihi shahidun liqawlihi inna rajula la yatakallam bi kalimah. Cela confirme le hadith que l'un d'entre vous, l'homme, parle d'une parole par laquelle il tombe au feu ou par laquelle il rentre au Jannah. Le hadith est « Un homme qui parle de kalimati, ma yara an tablugha haythu balagat yahwi biha fi an-nar 70 kharifa. Ou bord ma bayna mashriq wal maghrib. » Le hadith est un musulman. Que l'homme parle d'une parole qui ne te rend pas compte de la gravité. Et cette parole-là, le fait tomber dans le feu d'une distance aussi longue que 70 printemps. C'est-à-dire une distance que tu parcourais, combien de temps? 70 ans, ça veut dire. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors une distance égale, qui équivaut de l'Orient à l'Occident. Et ça, c'est une distance à la marche. Un rajul qad yughfaru lahu bi sababin huwa min akrahi al-umur ilayhi. Que l'homme, il se peut qu'on lui pardonne pour une cause. Et que cette cause-là, aujourd'hui, soit parmi les choses qu'il déteste le plus. Donc là, c'est le bab qu'on a appris. On a mis le bab de la fin de l'année. On va dans le prochain heure, si on n'aura que deux, on aura terminé. قال المؤلف باب لا يستشفع بالله على خلقه. C'est quoi ce bab? Qu'on ne demande pas intercession auprès d'Allah pour sa création. C'est-à-dire tu demandes que Allah intercède pour toi au cours de la création. قال الشيخ ذكر المؤلف هذا الباب لأنه من كمال التوحيد والإيمان ولأن هذا من وسائل الشرك والاستشفاع بالله على خلقه. Donc il dit ça, c'est ce que justement le Moulif a voulu dire par là, que cela fait partie de la perfection de Tawhid et de la foi. Car cela, le fait de demander intercession auprès d'Allah, c'est parmi les moyens, les procédés qui mènent au shirk. Que tu demandes à Allah qu'il intercède pour toi auprès de sa création. قَالَ شَأْنُ اللَّهِ عَظِيمٌ أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ. Car le rang d'Allah est bien plus haut que cela. Tu ne demandes pas à Allah qu'il intercède pour toi. Tu demandes aux créations, à la création d'intercéder pour toi lorsqu'il est possible. Quand même, le hadith va apparaître, inshallah. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال هلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه في وجوه أصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدريم الله إن شأن الله عظيم إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود والحديث ضعفه الألباني حديث الضعيف من الحكم الصحيح qu'un bédouin s'est rendu auprès du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il lui a dit au messager d'Allah les âmes périssent et les familles crient à la famine et les biens sont anéantis. Demande à Allah qu'il fasse pleuvoir pour nous. Car nous demandons à Allah qu'il intercède pour nous auprès de toi. Et nous demandons auprès de toi que tu intercèdes auprès d'Allah. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, subhanallah. Il n'a cessé de faire le tasbih jusqu'à ce que cela se reconnaisse sur le visage de ses compagnons. Après il a dit, prends garde à toi. Est-ce que tu sais qui est Allah ? Certes, le rang d'Allah est bien plus haut que cela. C'est-à-dire que tu demandes à Allah qu'il intercède pour moi. Tamam ? Il a dit, on ne demande pas intercession auprès d'Allah par rapport à sa créature. Ni moi, ni personne. Ahad, comme akal. Donc là, c'est ça qu'il a voulu faire. C'est comme s'il disait qu'on demande à Allah pour que toi, tu fasses quelque chose pour nous. Fahimt ? Alors. Donc là, tu réduis du rang d'Allah, ta maman. Mais c'est le contraire. Tu demandes auprès de quelqu'un qui demande par exemple pour toi auprès d'Allah. Un homme salih qui fasse doa pour toi. Mathalan. Adhanam. Bien sûr. Le amr lillah et kulli. Donc tu ne demandes pas à Allah quelque chose que quelqu'un te l'accorde. Tu peux demander à Allah que Allah t'accorde une chose par le biais d'un tel. Tu dis, Mathalan, Ya Rabbi, accorde-moi la science que je la prenne auprès d'un tel. Ça, c'est un dua. Tu demandes une chose. Ou tu dis, Ya Rabbi, accorde-moi les biens par le biais de mon commerce. Mais ce n'est pas une chafara que tu demandes. C'est qu'il fasse de cette chose-là une cause pour toi. Tu comprends ? Mais là, tu demandes une intercession que Allah, comme s'il devait se rabaisser à demander à quelqu'un pour toi quelque chose. Allah. C'est ça le shahid du bain. Et le fait de dire subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire? Le tasbih, c'est le tanzih. C'est le fait de purifier Allah, de le rendre exemple de tout défaut, de tout manque. Quand tu dis subhanallah, à la base, c'est un ism masdar du verbe sabbaha yusabbihu. Sabbaha, c'est mana nazzaha. Tu purifies, c'est-à-dire tu enlèves tout défaut de la chose. Donc en fait, c'est comme si tu disais que Allah, tu glorifies Allah en disant qu'il n'a aucun défaut. Quand même, qu'il n'a aucun défaut. Adam mana, car beaucoup de gens disent subhanallah, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire tu glorifies Allah en le purifiant de tout manque et de tout défaut. Et ça, c'est tout le contraire. Ça, c'est tout le contraire. Taïb, d'Akhouz al-Masa'il. Qala, al-oula inkaruhu ala man qala, nastashfi'u billahi alayka. Ceux qui l'ont réprimandé, ceux qui ont dit, nous demandons auprès d'Allah l'intercession auprès de toi. Demandons à Allah l'intercession auprès de toi. Athaniya taghayyuruhu taghayyuran urifa fi wujuhi ashabi min hadhihi al-kalima. Que son visage a changé et que les sahaba ont reconnu cela. Par rapport à cette parole-là. les sahabas ont entendu ce arabi dire cette parole-là, ils ont vu le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam changer. C'est-à-dire ce qu'il a vu là, il n'a pas aimé. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفي بك على الله. Par contre, il n'a pas blâmé le fait qu'ils disent, c'est-à-dire qu'on demande que tu intercèdes pour nous auprès d'Allah. Ça, il n'a pas blâmé. Il a blâmé quoi? Le contraire. الرابعة التنبيه على التفسير سبحان الله. Le fait de dire سبحان الله, qu'est-ce que ça veut dire? الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. Que les sahaba demandaient au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم la demande de pluie. Qu'il fasse la demande de pluie. Et non pas que lui fasse descendre la pluie, mais qu'il fasse dua pour que Allah fasse descendre la pluie. Naam. Ce sont les trois abwab qu'on a pris aujourd'hui. Deux derniers tekassir. Ma'foum hada. Fa ila huna wa alhamdu rabbil alamin.